je quittais toi belle pour nous te rencontrer. Goûtais tellement, tellement trop folle que moi t'aimais tout de suite. Pas besoin de faire semblant. Oh, c'est pas un bal à blanc. Faut pas quitter l'amour échappé. Après tout ça, nous vivons obligés de comprendre. C'est qu'on a au caille sa mère. Et puis au passant, qui n'a tout ni. Ou même pas si mauvais. Même pas plus mauvais. Mais si vous pas senti trop frais, vous pouvez venir un bras au moins. Parce que moi, je pas parler, parce que moi, je pas juger. C'est un morceau en main qui tout ce qui a fait mal. Parce que moi, je pas parler, parce que moi, je pas juger. C'est un morceau en main.